corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones. Bonsoir à tous, eh bien vous êtes sur Radio Gamozo, et oui, un horaire un peu différent se retrouve dans Boomerang, un nouveau numéro de Boomerang. Alors quelques petites informations avant qu'on commence ce nouveau numéro, qu'on ouvre le bal de cette nouvelle émission. Pendant une période, on ne peut pas vous donner la durée définitive, mais en tout cas toute la partie du mois de juin, et peut-être une partie du mois de juillet déjà, parce qu'après il y a les grandes vacances. Donc des fois Boomerang part en vacances, on verra. On se retrouvera tous les 15 jours, ça ne change pas, le mercredi, mais à 17h30 au lieu de 16h. Donc 17h30. Donc notez bien le rendez-vous. On n'avait pas pu vous prévenir puisque ça s'est fait dans les semaines qui ont précédé, voilà, parce que organisation et changement de rythme pour certaines personnes. Et donc on a pu trouver ce créneau horaire pour essayer de contenter tout le monde, en tout cas ceux et celles qui nous écoutent. Et vous faire plaisir. Et bien sûr, et nous retrouver tous ensemble avec aujourd'hui en studio Félicie. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à tous. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Secundino, Dominique et Pascal. Bonjour à toi, est-ce que tu es en forme? Oh oui. Bon, voilà, un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Toujours le sourire, toujours prête à partir pour une nouvelle aventure. Et puis du côté des femmes, on a aussi l'ami Dominique. Bonjour à tous, bonjour, bonjour à toi. Tu vas bien? Oui, un peu... Sous la chaleur? Sous la chaleur, mais ça va. Et puis côté homme, l'ami Segundino. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Félicie, bonjour Dominique, bonjour Pascal. Bonjour à toi. Pascal aux commandes, moi ça va, il n'y a pas de problème. Bon, ben je suis la charrue et puis... Tu es debout et tu es là. Tâche de ne pas tomber. On te ramassera, on est là pour s'entraider. Et puis l'ami Pascal, comme vient de le dire Segundino, à la technique, à l'animation, oui, pour vous servir. Bonjour. Salut à toi. Jean-Baptiste, bonjour à tout le monde. Eh bien, on va ouvrir le bal, comme j'aime à le dire, avec l'ami Dominique, pour changer un petit peu. D'habitude, c'est Félicie, souvent, qui entre en matière. Ça ne me dérange pas. Alors, aujourd'hui, je vais lire mon petit papier, pour ne pas me tromper. Dominique, aujourd'hui, tu ne nous parles pas de littérature. Non. Exceptionnellement, mais ce n'est pas grave. Tu vas nous parler de cinéma. Alors, avec un film, moi, je ne connaissais pas, ni le réalisateur. Enfin, le réalisateur, le nom me dit quelque chose. C'est un acteur-réalisateur. Ouais. Mais alors, un joli titre, A Star is Born, une étoile est née. On va aller dans le monde des paillettes, les mondes de la lumière, du showbiz. On n'en dit pas plus. Aussi, son côté sombre. Ouais. C'est alors, un film avec Bradley Cooper qui a réalisé le film, et avec Lady Gaga. Enfin, moi, Lady Gaga, j'étais passée à côté en tant que chanteuse, mais dans le film, j'ai trouvé formidable. Alors, peut-être nous donner, juste pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas, Lady Gaga. Lady Gaga, c'est une chanteuse actuelle qui était connue pour ses excentricités. Elle a copié Madonna aussi, un petit peu. On peut dire ça, ouais. Il y a une génération c'est de moins. C'est une génération. Ouais. Mais c'était même... Elle incarne dans ce film une jeune... serveuse, chanteuse qui travaille dans un bar de drag queen. Et un jour Bradley Cooper qui joue ce rôle, la rencontre. Il est chanteur aussi connu, il a du succès, mais il fait est dans concerts, une phase un peu descendante, il boit de l'alcool. Et c'est un gars qui fait des grands concerts quand même. Ouais. C'est un gars très, très connu par les médias et qui est connu C'est une fiction. Alors, hein. Une petite parenthèse, les drag queens, parce que c'est un terme qu'on entend moins, qu'on usite moins aujourd'hui. C'était une mode aussi, un courant. Il y avait quand même peut-être une connotation derrière, un système de pensée, il y avait peut-être un message aussi. Donc ce sont des hommes, à la base, qui se vêtissent en femmes, mais qui poussent la féminité à son extrême. C'est-à-dire, c'est les cils Bambi au niveau des yeux, ce sont des chaussures avec des talons à semelles compensées, mais qui sont extrêmement démesurées, c'est-à-dire où le pied est carrément positionné à la verticale, donc des talons qui peuvent faire jusqu'à 20-25 cm de hauteur, où c'était des combinaisons assez moulantes. Après, il y avait des perruques un peu affriolantes, un petit peu excentriques. Et on pousse vraiment la féminité à son extrême. On est même presque dans une caricature, un petit peu. Et il y avait effectivement, plutôt dans les années 90, c'était des personnages qui étaient très à la mode. Je ne sais pas maintenant, peut-être moins, enfin c'est mon impression, je me trompe peut-être. Au Queens, à Paris, c'est rendez-vous des drag queens. Ouais, c'est vrai. Si personne n'y a jamais été, il y avait un bistrot, je te crois. En étant plus gentil, on dit qu'ils font du transformisme. Oui, voilà. C'est les Transformers femelles, quoi. C'est vraiment la féminité poussée à l'extrême dans l'apparence vestimentaire et dans la façon de se comporter. Il y a une émission... C'est un personnage, finalement. On est dans un personnage. Il y a une émission, justement, à la télévision où il y a une participante, en fait. C'est le concours de chant sur la... Et le participant, c'est une transformée, donc elle a pris des hormones, donc elle s'est fait pousser les seins. Oui, mais alors attention, il ne faut pas faire une confusion. Chez les drag queens, il n'y a pas forcément la volonté de se transformer d'une manière plus profonde, même physiologiquement, en femme, progressivement. Attention, il ne faut pas faire le mélange. Ça peut être des hommes qui ont une vie masculine d'homme au grand jour, et qui ont ce loisir ou cette envie, comme quelqu'un qui est dans le gothique par exemple, de faire partie d'une communauté, d'un groupe, et de se fondre dans un personnage comme ça dans le milieu de la nuit, parce que ça leur apporte plein de choses sur un point de vue personnel, et qui vraiment, on est dans la tenue vestimentaire, je dirais pas déguisement, parce qu'il y a un côté péjoratif, je trouve, dans le déguisement. Il y a quand même une recherche quand même au niveau du fashion, de la mode. Moi je trouve quand même que c'est la féminité qui est poussée à l'extrême, où tout est vraiment démesuré dans le maquillage, dans les perruques, on est dans l'excentricité. Et c'est vrai que moi qui suis grand, qui fais un peu plus d'un mètre 90, j'ai rencontré des drag queens qui étaient plus grandes que moi. Hein, déjà des hommes à la base qui étaient grands, mais c'est vrai que c'est relativement impressionnant. Mais ça peut être sympa. Les coiffures qui te dépassaient. Ouais. Souvent c'est des cheveux très très blonds, donc on est toujours un peu comme ça dans la... Justement, elle ressemble un peu aux stars, comme l'a dit Gaga. Oui, tout à fait. Voilà. Bah tout oui, à fait. Oui. L'excentricité, bah, justement, elle avait tout à fait. Ça transperce aussi dans le film. Elle dit sa carrière n'a pas amorcé parce que on lui trouvait un nez trop grand, pas assez glamour. Elle a le nez un petit peu busqué, enfin un petit peu avec une bosse, ouais. Donc Bradley Cooper, il dit non, on va s'en servir, tu vas cartonner. Et puis ils forment un couple, je crois que même qu'ils se marient. Et puis lui, il va de plus en plus profond dans sa descente dans l'alcool, quoi. Mmh. Donc il est dans une addiction vraiment installée. Ouais, mais avec un amour très sincère envers. Pascal, tu voulais dire des choses. Oui, tout à fait. Je voulais un peu préciser. Lui, c'est quand même un chanteur très très connu, style Johnny Hallyday en France. Voilà, pour donner un peu la... Et elle, c'est vrai qu'elle chante très bien. Elle est auteur-compositeur. Et il s'était rencontré. Il lui a demandé de chanter. Et c'est lors de cette chanson, en fait, qu'il a travaillé dessus. Il a fait les arrangements et il l'invite donc à venir à son concert. Et il fait jouer par ses musiciens tous les arrangements qu'il a créé, et c'est là qu'il l'invite à chanter, et elle passe sur Internet, on va dire, sur YouTube, des choses comme ça, et elle fait un carton, elle se retrouve à la télévision. Mais c'est une grande histoire d'amour aussi, parce que je le raconte un peu sèchement quand même. Ouais. Félicie ? Si je voulais revenir sur les drag queens, moi j'en ai rencontré deux ou trois, mais en fait, il y avait un lien aussi avec l'émergence de la musique techno. Oui. La musique de club. En fait, c'était un peu séparé, c'est dommage, parce qu'il y avait les drag queens qui allaient dans les clubs. Et nous, les rêveurs, on était plutôt dans des grandes salles ou des lieux sauvages ou des choses comme ça. Mais il y avait quand même une confusion. C'est dommage, parce que des fois, il ne faut pas faire la conclusion. Une drag queen n'est pas forcément rêveur ou rêveuse, et un rêveur n'est pas forcément drag queen. Mais c'est des genres qui se mélangent. Oui, il y a eu un moment où il y a eu des mélanges avec la Gay Pride, l'émergence des fêtes techno, les technivals dans les campagnes, parce qu'une rêve, il faut savoir que c'est dans une ville, et un technival, c'est à la campagne. Et donc, il y a eu quand même, avec la street parade aussi à Zurich, qui était un festival techno. Bon, il y a la Gay Pride, mais à Zurich, il y a eu la, en 93, je crois que ça a commencé, la street parade avec le mélange techno, rêveur, drag queen. Et c'était des, comme tu dis, Jean-Baptiste, c'est des moments de fête pour exprimer ce que c'est que la féminité, ce que... Comment c'est dire, outrance, quand même. C'est à outrance, c'est une outrance. À Rio aussi, au carnaval, tu y retrouves les drag queens. Hein. Oui, exactement, ah, aussi, oui. C'est pas lié à l'Europe, pas pensé hein, à ça. C'est pas ni en France ni en Europe. Oui, j'avais pas pensé à ça. C'est né où, ce style de drag queen? C'est originaire de quel pays? Je pourrais pas répondre à cette question. Ah. Enfin, il y avait un film qui s'appelait Priscilla, princesse du désert. Oui, j'avais adoré aussi, je crois. Peut-être si Pascal peut nous avoir dans les minutes à suivre des renseignements sur l'origine du mouvement. Est-ce qu'on peut appeler ça un mouvement d'après vous? Non. Moi si. Un mouvement ou un courant? Un courant plutôt. Je pense que oui, et homosexuel, c'est logique. On a voulu, comment dire, s'insérer en tant que homosexuel en affirmant par une caricature comme tu parlais de caricature de leur costume, et ben la personnalité féminine homo féminine de la société. Il y a un côté clownesque. Je pense que c'est pas péjoratif de dire ça. Il y a quand même, au niveau du maquillage, comme disait Dominique, il y a quelque chose de... C'est assez... On est dans l'outrance. Mais après, dans la connotation d'outrance, il y a une connotation outrancier, donc quelque chose un peu d'insultant, peut-être. De vulgaire. Or, moi, je ne les trouve pas vulgaires, justement. On est vraiment dans une projection vraiment poussée à son paroxysme. De l'image de la femme, d'une sorte d'image féminine, c'est d'ailleurs. Créature. Ouais. Ça, je trouve, c'est un terme qui est tout à fait approprié. Dominique, elle trouve toujours les bons mots. Ouais, créature. C'est parce qu'elle a une base littéraire, et de l'imagination qui poisonne. Non, mais c'est très juste. Je trouve que le terme... D'ailleurs, je pense que j'ai déjà dû voir des reportages où il parlait justement de créature, de soir, de nuit, comme ça. Ouais. Mais on voit, ouais, comme disait Pascal, on voit dans les émissions de chansons beaucoup de jeunes gens qui se transforment comme ça. Il y en a qui apprennent. Et il y en a qui reprennent des personnages d'une certaine génération française du Star System et qui se travestissent. Ces personnages qui sont plus de ce monde aujourd'hui. Dalida a été beaucoup une référence, je crois, là-dessus. Oui. On en retrouve d'autres. Lisa Minnelli aussi, j'ai vu. Mais quel rapport, parce que Dalida, peut-être dans sa période disco, alors plus. Ouais, ce personnage. Pas dans la première période. Ce personnage a inspiré. Mais je crois que vous faites un petit peu un amalgame entre le transformisme et c'est bon. Et le mimétisme. Tout ça, ça reste dans une grande famille. Qui est similaire, mais il y a le transformisme, c'est encore autre chose. C'est pas du mimétisme. Les drag queens n'ont pas forcément, ils peuvent, mais ils ne sont pas forcément dans un but de faire un spectacle. Ils peuvent être hôtesses d'accueil dans une soirée, ça peut être, tu vois, il y a d'autres. Dans le transformisme en général, on est dans des cabarets, des musicals, enfin surtout des cabarets, et on fait un numéro bien précis à un moment donné devant une scène, sur scène, pardon, devant un public qui mange ou qui boit, qui passe une soirée, et y a une succession comme ça de personnages connus, de chanteurs, de chanteuses, effectivement, Sylvie Vartan, Dalida, Mireille Mathieu, ou même. Bon, souvent, c'est des personnages féminins. Des chanteurs, des chanteuses plutôt, effectivement, de toute génération. Mais il n'y a pas forcément, c'est pas forcément on n'est pas dans la même logique, le même esprit que les drag queens. Même s'il y a des similitudes, effectivement, par le maquillage, le costume, je pense qu'un transformiste n'est pas complètement dans la caricature ou dans le... Il ne pousse pas à l'extrême, je crois. Il est plus dans le mimétisme. C'est-à-dire, ça va être effectivement... Parce que des fois, moi, j'en ai vu de Mireille Mathieu qui ressemblait pas forcément à Mireille Mathieu physiquement. Bon, il y avait la robe, il y avait la coupe un peu au bol. Les mimiques. Il travaille beaucoup, le transformiste, sur les mimiques de l'artiste. Et puis, souvent, c'est des playbacks, donc c'est la vraie voix. Sauf si le transformiste a des capacités vocales et peut chanter lui-même. Et puis, il va te chanter une chanson du répertoire de la chanteuse ou du chanteur. Mais j'ai déjà vu aussi des personnages hommes. Oui, mais dans tout ça, ils sont quand même vraiment homosexuels. Pas forcément. Non, forcément. Je suis pas d'accord avec toi. Non, pas forcément. Ça aussi, c'est un amalgame. Ça aussi, c'est une, c'est une idée un peu arrêtée, un peu fermée. Non, non. Il y en a, mais il y a aussi des personnes hétérosexuelles ou autres. Hein. Pas forcément. Marc, j'en ai vu qui déconnaient comme ça. Mais il y a aussi des homosexuels. Enfin, mais bon, après, voilà, ça c'est encore enfermer les gens dans une, dans une caste. Oui, tu te maquilles un peu. À la limite. Tu te maquilles un peu pour déconner en fille, tu déconnes. Oui, c'est pas pour que tu aimes les hommes si t'es un homme, et l'inverse, si t'es une femme, tu déguises en homme, toi, pour ça. Alors, Pascal a peut-être des précisions sur l'origine, peut-être, des drag queens, des personnages-là. En fait, non, j'ai pas trouvé l'origine des drag queens. Ah, dommage. Ça me renvoie toujours sur l'origine du mot drag queen. Mais je suis quand même tombé sur un petit texte, en fait, qui explique bien, je trouve. C'était sur l'Express, où c'est marqué... Ils sont gays, bisexuels ou hétéros, voire mariés. Ils se maquillent et portent des seins postiches. En Amérique, ils sont un centre d'un juste business. En France, le film Pédale douce le met en scène. Oui, il y en a. Ah, oui. Exact. C'est bien de le rappeler, ouais. Ouais. Mais oui, le film Pédale douce, ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'il est sorti. Oui. Hein, mais il est même devenu vraiment homosexuel, le mari. Oui, mais c'est lié. Tu n'as pas totalement tort aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas réduire les drag queens uniquement à l'homosexualité. Mais c'est vrai, Jean-Baptiste, que question art, il y a des drag queens qui ne font pas de spectacle, comme tu disais. Et il y en a peut-être aussi. Il ne faut pas faire l'amalgame, comme tu dis, entre... les artistes mimétistes, c'est-à-dire qui font des reprises de Dalida ou des choses comme ça, c'est différent d'un drag queen qui... La démarche n'est pas la même, voilà. Du tout. Non, ça n'a rien à voir. Après, on reste dans le monde de la nuit, effectivement, on reste dans le monde des cabarets, des soirées. Ouais. Ils essaient de faire des prouesses dans la transformation de leur corps féminin. Ouais, mais moi j'ai déjà vu des reportages, puis je suis déjà allé chez Michou, hein, à Montmartre. Bon, il n'y a pas que ce cabaret-là où il y a des transformistes qui se produisent, il y en a partout ailleurs, mais je veux dire, c'est un petit peu l'emblème chez Michou à Montmartre. Et là, effectivement, il y a vraiment des transformistes qui sont là depuis plus de 30 ans. Il y a une fidélité avec Michou aussi, et c'est pas forcément des personnages, ça peut être des hommes qui imitent Dalida aussi, c'est pas forcément une femme qui va imiter Dalida. Ou qui va prendre la peau d'une autre chanteuse, ou même d'un chanteur. Oui, on Pascal. On a un copain qui s'amusait à faire Céline Dion. Par exemple, je crois qu'elle est vraiment elle est reproduite chez les transformistes. Enfin, elle est en tout cas mise en personnage. Ouais, c'est vrai. Ouais, souvent, c'est quand même des chanteuses assez célèbres qui ont déjà une carrière. Ils doivent s'inspirer déjà du corps qu'ils ont déjà à la base, s'ils se prêtent au personnage ou pas. Si le gars, il a, comme moi, une bonne ceinture d'acier, une bonne ceinture... Eh bien, pas forcément. Détrompe-toi. J'ai déjà vu des Sylvie Vartan qui avaient ta corpulence. Si je vois un mec qui est fin, un peu comme toi. T'es pas baraqué non plus. Mais moi, j'ai déjà vu. Merci. Non, j'ai dit que tu n'es pas baraqué non plus. C'est ça. Voilà, bon. Mais il est baraqué. Moi, j'ai déjà vu. Non, mais t'as vu que tu as choisi une femme. Un transformiste qui faisait Sylvie Vartan, mais la Sylvie Vartan des années 80. Il faut quand même dire que Sylvie Vartan, elle s'est un petit peu empâtée, elle s'est épaissie en vieillissant. Mais quand elle avait 30 ans et qu'elle faisait toute sa période américaine, où elle faisait ses grands shows à l'américaine avec ses robes Gautier et compagnie, elle avait une taille de guêpe. Bon, et ben j'ai vu des transformistes qui avaient à peu près ta physionomie et tout ça. Qui arrivaient à être crédibles. Parce qu'il y avait une façon, comme disait Félicie, qu'on le rappelait, les mimiques. Ils chopaient les mimiques de Sylvie Vartan sur scène et tout ça. Et quand on regardait, le résultat était bluffant. Ils envoûtaient les gens, quoi. Ouais, mais c'est un spectacle, en fait. J'ai quand même du mal à imaginer Segundino en porte-jartel avec des talons de 15 Elle n'était pas forcément déjà édune en porte-jartel, toujours dans ses tenues. Et puis après, tu sais, il y a une façon aussi de la gestuelle, à partir du moment où tu chopes la gestuelle et que tu fais comme ça et tout ça. Non, pas forcément. Mais putain, vous êtes dans la caricature, c'est dommage. Mais je veux dire, si on chope des mimiques avec, effectivement... un accoutrement adapté et qui a été travaillé, un maquillage et tout ça, on peut, je dis pas que Segundino ferait forcément Sylvie Vartan, mais il pourrait faire d'autres chanteuses. Qu'il faut avoir le physique qui se prête quand même. Il faut avoir l'esprit. Segundino aurait l'esprit, par contre. Pas être trop macho. Je veux pas parler à ta place. Contre, Segundino en Albin et Renato, ça pourrait peut-être aller pour la carrière. C'est vrai. Qui ça? Albin Renato, Dans la cage aux folles. Ah oui, ah oui. Oh, là, je le verrai. Ah ouais, c'est vrai en plus. Oh, laisse tomber. Ah, c'est dommage. Bon, avec un petit peignoir en soie. Et pourquoi donc? Avec un petit peignoir en soie. Avec un gros dragon dans le dos. Je sais pas que je suis homophobe, non. Alors là, le jour où je vois Segundino faire ça, je dirais là, attention, chapeau quoi. Explode. Non. T'en es capable, t'as un côté artiste en toi. Mais il y a aussi des filles qui sont très masculines, qui peuvent complètement prendre une allure d'un personnage masculin. Tout à fait. C'est moins agréable. Ouais. Pourquoi tu dis ça, Pascal? Parce que j'ai des tendances très normal, je ne vais pas dire normal, c'est quoi le mot? Hétéro. Hétéro, voilà. Bon, ma foi, ça n'engage que toi, hein. c'est ton point de vue, c'est ta vérité. Moi, je ne la partage pas personnellement. On est là pour débattre, hein, oui. Si vous avez peut-être d'autres points de vue. Après, c'est une histoire de vie privée. Moi aussi, je suis un hétéro, hein. Je ne vais pas me perdre. Moi, je dirais, on n'est ni hétéro, ni homo, quoi que ce soit. Tout ça, c'est encore une fois, ça ghettoise beaucoup. On est ce que l'on est. Ce qui est important, je crois, en tout cas, ça, c'est mes valeurs à moi. Ce qui est important, c'est d'être en accord avec soi-même. C'est pas toujours évident. Ça dépend de l'âge, ça dépend de ce qu'on vit, ça dépend de l'éducation qu'on a eue, ça dépend des valeurs qu'on a en soi, ça dépend de notre capacité à peut-être se décrocher de certaines valeurs et d'évoluer aussi, parce qu'on est toujours en mouvement dans la vie. Et moi je dis pour que les gens soient simplement, bon c'est un peu facile de dire ça, mais que les gens soient heureux et vivent d'une manière le plus épanouie possible. On n'en est malheureusement pas là pour tout le monde, mais après je dis c'est un cheminement à faire en soi ou pas. C'est une question aussi de se remettre en cause ou pas. Hein. Je suis pas un pervers non plus, même si le bistrot d'à côté dit ça. Non, mais tu as fait tes opinions et chacun ses opinions. Ta peinture l'est quand même. Hein? Ta peinture, au contraire, elle l'est. Elle est très orientée, ta peinture. Quelle peinture? Pascal, la peinture. Tes tableaux. Ouais. Tableau. Ah, ben, elle est orientée gothique et puis... perverse. Hétérosexuel, non, pas pervers, non. Ah, je dirais pas hétérosexuel, mais... Mais c'est pas pervers du sadomaso. Tout. Le gothique, c'est un peu sadomaso, de toute façon. Mais je suis pas d'accord. Le gothique, ça... Moi, ce que je propose, parce que c'est vraiment intéressant le débat, mais il faudrait peut-être qu'on resitue ce que veut dire l'hétérosexualité, déjà. Qui veut se lancer? Félicie, je te sens inspirée. Bah, pour toi, quelle est ta définition de l'hétérosexualité? Pour moi, Enfin, c'est ma vie privée. Non, tu peux parler d'une manière générale. Oui. Comment toi, tu perçois... Je pense que les personnes perçoivent l'hétérosexualité comme des hommes qui aiment des hommes. Non. Moi, je veux savoir... Des hommes qui aiment des femmes et des femmes qui aiment les hommes. Non, moi, je veux savoir, toi, comment tu la perçois, mais pas toi en tant qu'individu pour ton histoire à toi. D'une manière générale... Mais je trouve ça harmonieux, quand même. Je trouve ça beau. Comme un tableau d'un grand maître ou ces femmes des années 30 avec leurs belles robes qui étaient très très féminines. Oui, mais l'hétérosexualité, ça n'englobe pas que les femmes. Non, mais c'est réducteur. Je trouve que c'est quelque chose de beau. Ça s'appelle un couple. À l'époque, il y en a beaucoup qui découvraient. Voilà, tu me demandais comment je trouvais ça. Moi, y a un mot qui me vient à l'idée, c'est beau. Il y a des couples de mots qui sont très beaux. Hein. J'en connais un au Tio qui a un visage magnifique. Mais voilà, pour moi, il n'y a quand même rien de plus beau qu'une femme et un homme ensemble. D'accord. Tu m'expliqueras le rapport avec l'hétérosexualité quand même, qui est en fait... Un homme et une femme, et une femme et un homme. Je ne sais pas où tu t'en vas, là, quand même. Bah, mais c'est ce que je dis. Je continue. Félicie va donner Segundino. Des fois, pour avoir des surprises, hein, pour une femme, hein, par exemple, que du jour au lendemain... tiens, on a parlé de Victoria April dans Pédale douce, que le mari devienne... April. Oui, oui. L'homme qui devient homosexuel ou la femme qui devient, elle, homosexuelle. Oui, dans Pédale douce, c'est un peu l'histoire. Elle passe... Mais ça, on peut le retrouver dans la vie dans la vie de tous les jours régulièrement, bien sûr. Faut pas aller loin, hein. Faut pas aller chercher vraiment loin. Dominique, toi, quel est ton point de vue de l'hétérosexualité? Je trouve des fois il y a des hétéros qui sont moins bien que des couples homo qui ont plus d'harmonie entre eux. Il y a des couples pourquoi hétéros... tu dis ça? Je sais pas, moi je comprends, je suis du même avis, enfin je sais pas, on doit pas juger le choix sa tendance sexuelle. Moi, je me rapproche de Dominique, personnellement. Mmh. Voilà. Je suis plus dans ces valeurs-là que Dominique. Mais c'est le machisme qui tue cette réponse-là. C'est pour ça. Moi aussi, je vous suis dans le raisonnement. Oui, il y a mais un peu de connotation machiste. Ce que je veux dire, c'est le machisme qui tue le bon raisonnement, qui essaie de le tuer, quoi. Moi, je pense que le terme hétérosexualité, le finalement homme et femme, dans la vie sentimentale, dans nos sociétés occidentales. Après, on n'est pas obligé de parler que de l'orientation sexuelle. Ça peut être aussi la polygamie. Comment on interprète l'amour, comment on vit l'amour dans le monde, et on s'aperçoit que selon les cultures, selon les ethnies, selon les cultures, donc selon les continents, les pays, ça change. Ça change. On n'a pas le même rapport à l'autre, même dans la com, dans la communication, mais aussi dans l'amour. Dans le langage de l'amour, on n'a pas les mêmes codes forcément, on n'a pas les mêmes rapports, on n'a pas le même développement émotionnel, on n'a pas toujours les mêmes réflexes, les mêmes. Tout ça vient de notre éducation qu'on a avec nos parents. Parfois si. Si, si, la pator, c'est Gounino. Parfois si, si, ça vient de l'éducation qu'on a avec nos parents. Ou alors, une famille, un jeune qui a vécu ou une qui a vécu dans une famille monoparentale. Elle peut prendre une tournure sexuelle et devenir homosexuelle à cause de ça. Parce qu'il lui a manqué. Non, ça c'est des idées reçues non, qui ne sont pas forcément non, justes. Les psys le disent. Oui, mais les psys, machin. Moi je vous donne des exemples précis. C'est beaucoup plus complexe et à la fois simple que ça. Mais il y a une chose que tu as dit, et après je reviendrai sur ce que je suis en train de dire. Tu as dit une chose très juste, ça vient de l'éducation. La première éducation qu'on a, c'est celle des parents. Bah oui. Donc tout dépend dans quel, je dirais, contexte socioculturel et éducatif on a grandi aussi. Après, quand on devient adulte, il y a aussi les amis qu'on va rencontrer dans la vie professionnelle, dans ce qu'on va vivre comme expérience dans la vie, qui va petit à petit peut-être entrer en écho avec notre propre personnalité, parce qu'il y a aussi notre personnalité intrinsèque. Alors quand je dis intrinsèque, c'est-à-dire une personnalité qui est vraiment structurée qu'à nous et qui n'a pas été sous l'influence d'une éducation, de valeurs. J'ai pas fini, Pascal, je te donnerai la parole après. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut être aussi ou embrigadé, tout dépend de notre personnalité, de notre tempérament, dans ces valeurs qu'on nous a transmises, ou alors peut-être avoir, je dirais, ouvrir son esprit peut-être à d'autres systèmes de vie, d'existence. Après, je ne réduis pas ça à l'homosexualité, ça peut être dans les religions, dans plein d'autres choses, qui va nous faire grandir, parce que nous, ça va nous convenir, ça va nous parler. Moi, je suis pour la philosophie de l'épanouissement personnel, du développement personnel, c'est-à-dire de, finalement, la vie, c'est une progression dans le temps, dans un temps qui est défini, où on va chercher à se comprendre, où on va s'interroger, où on va voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est bien pour nous, ce qui l'est moins, dans plein de domaines. Et la sexualité, l'orientation sexuelle peut en faire partie. Donc on peut très bien avoir une période de vie où on est, ce qu'on va dire, entre guillemets, dans des schémas hétérosexuels. Donc si on est un homme, aller vers les femmes. Après, peut-être être dans les intermédiaires. Après, peut-être basculer dans, entre guillemets, l'homosexualité. Encore une fois, c'est des mots qui existent, mais moi, je n'aime pas les utiliser parce qu'ils ghettoisent beaucoup l'être humain. Mm. Moi, je pense que là-dedans, on oublie une connotation. C'est tout ce qui est la partie émotionnelle, l'affect, qui nous dit dans notre modèle de société, par exemple en France, dans nos sociétés, qu'est-ce qui nous dicte qu'on doit être quand on est un homme, on doit vivre avec une femme. Bon, on a parlé de l'éducation avec les parents, du contexte socioculturel, aussi. D'une norme, on va utiliser le mot norme. Bon. Mais après, au-delà de ça, nous, est-ce qu'on s'écoute en grandissant? Pas toujours. Écoute, qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, moi, je voulais chercher une blague. Faut que Coluche disait, il faut tout essayer. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas que lui qui disait ça. C'est comme le soin à l'élastique. Non, après, je pense que oui, il faut tout essayer dans une mesure. Je veux dire, après, il y a un moment donné, je pense qu'on se connaît suffisamment. Voilà. Mais après, moi, par exemple, il y a des sports que j'aime moins que d'autres, il y a des couleurs que j'aime moins que d'autres. Donc, il y a peut-être des fois. Oui, ça, c'est la personnalité dont tu parlais tout à l'heure. Oui, mais après, dans l'orientation, c'est aussi. Je pense qu'on est beaucoup enfermé dans des carcans et finalement. Des fois de faire un... mais après il faut en prendre conscience pour pouvoir évoluer ou pouvoir cheminer. J'ai même utilisé le mot cheminement. Ça demande une prise de conscience et dire, mais finalement, est-ce que je suis heureux en étant comme ça dans la peau de ce personnage-là ou de cette personne-là, ou sais, pas. Tu sais, Jean-Baptiste, il y a beaucoup de psy qui sont réducteurs, qui ne veulent pas déterminer une personne selon ses goûts, les couleurs. Totalement. Et c'est très, très réducteur. Beaucoup de, tu as dit ? Dans les goûts, les couleurs, non, par exemple. C'est beaucoup de qui... Beaucoup de psy qui sont très réducteurs. Moi, je me sens vraiment emprisonnée parce que je n'ai pas le droit d'avoir des idées d'aimer l'astrologie, parce que monsieur trouve que ce n'est pas assez cartésien. C'est un exemple aussi qui est très intéressant. T'as dû te faire rouler, c'était qui, pour qui ça. Est, qui est dans le même principe. Pourquoi des individus n'auraient pas le droit de s'intéresser ou à la cartomancie, ou à la médiumnité, ou à l'ésotérisme, parce qu'on décide dans la société que c'est encore des choses qui sont un peu... où il y a des amalgames, s'il aime ça, c'est qu'il est gourou, c'est qu'il fait partie de secte. Alors que quand on connaît... Moi, j'ai la chance de connaître un peu ces domaines-là et de connaître des personnes qui sont dans ces milieux-là. Il n'y a pas forcément des gens qui sont malhonnêtes. C'est pas forcément lié aux sectes, et même souvent pas du tout. Et ce sont encore une fois des amalgames. Le mot, je vais prononcer un mot qui est très dur, à, même radiophoniquement, le mot pédé. Il vient du mot pédéraste. Un pédéraste n'a rien à voir avec l'homosexualité. La pédérastie, c'est quand on veut avoir un rapport sexuel avec l'enfance. Je ne veux pas me tromper, mais je pense que Pascal, tu pourras nous le... Voilà. Et ça a tout de suite dérivé sur le mot, l'injure. Pour moi, c'est une injure. Pédé. Voilà. Alors on dit, bah oui, les homosexuels et les pédophiles, c'est la même chose. Bah non. Ça n'a strictement rien à voir. Ce sont deux choses totalement différentes qui ne sont même pas de la même famille, je dirais, à la limite. Mais moi, je connais personne. Y a l'homosexualité, c'est une orientation sexuelle qu'on exprime dans sa vie, à travers une société, à travers... Voilà. Et la pédérastie, c'est tout à fait autre chose. Là, on est carrément dans une déviance, dans un acte, entre guillemets, orgiaque. Qui peut être criminel, quoi. Ça peut être orgiaque, c'est ça que tu... Orgiaque, c'est encore différent. Là, tu impliques plusieurs personnes dans un rapport sexuel ou érotique. Donc, mais bon, dans ma vie, j'ai connu 4 personnes homosexuelles. Ils le vivent très bien. La pédérastie, en fait, c'est un homme adulte qui fait l'amour avec un enfant. Oui, bah c'est à peu près ce que j'ai dit. Hein. Voilà, d'accord. C'est pas la d'accord. pédophilie. Mais c'était bien de nous le préciser. Et bisexuel aussi. C'est la pédophilie, ça, un homme qui fait l'amour oui, avec c'est, un enfant. Oui, il y a des synonymes non. après. On utilise plus le mot pédophilie maintenant en langage juridique. Oui, mais il semblerait que la pédérastie, ça soit uniquement masculin. Il y a les bisexuels aussi. Que c'est un Pascal qui sont un homme. Pas tous en même temps. Pascal ? Il y a des femmes homosexuelles, mais il n'y a pas de femmes pédérastes. C'est pour un homme. Ouais. Alors, je vous propose une pause musicale parce que l'heure tourne vite et je vous propose de reprendre ce sujet qui est peut-être intéressant et ça fait partie du principe de Boomerang. Alors, on va rester dans le contexte du film que nous décrivait Dominique. Dominique, tu as choisi donc Lady Gaga. Oui. Hein, voilà. Mais j'ai pas retrouvé le titre dans ma tête. Et je te laisse dire la le chanson. Titre parce que je suis mauvais en anglais, je veux pas me fouler. Y a, la chanson du film est super, mais là, on a décidé de passer Poker Face. À tout de suite. Show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o poker face, pop up poker face. Pop up poker face, pop up poker face. You, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand, 'cause I'm mom. Can't read my, no, we can't read my poker face. She needs to know that nobody. Et voilà, on parlait de Lady Gaga hors antenne en l'écoutant. Poker Face, pop, pop, pop, pop, comme elle dit. On disait avec ses Goudino que c'est une voix un peu synthétisée, donc c'est pas forcément sa voix réelle. Voilà. Dans le film, on la trouve très naturelle, quoi. Alors tu parles au niveau du personnage. Au niveau du personnage. Ouais. Alors à ceux qui viennent nous rejoindre, nous sommes dans Boomerang, nouvel horaire pour cette fin de printemps, début été, on va dire. Voilà, on a commencé à 17h30, on est encore ensemble pour une heure, hein, pas tout à fait une heure, jusqu'à 19h. Et on parlait avec l'ami Dominique, tu peux peut-être nous le rappeler. Oui, je parlais le début de l'histoire, c'était le film A Star Is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Voilà, et on en est arrivé à parler des drag queens pour un petit peu expliquer ce qu'étaient les drag queens, peut-être à ceux et celles qui ne sauraient pas, tout simplement, ou ne s'en souviendraient pas, donner ces précisions-là. Et on est parti sur un grand débat sur les orientations sexuelles, l'homosexualité, l'hétérosexualité, quelle est la norme et tout ça. On n'a pas fini de dire ce qu'on voulait tous dire. La norme, on n'en veut pas. Ah, mais c'est bien, c'est que tu as déjà évolué dans ton discours. La norme, on n'en veut pas. Dès que tu as une histoire de normes, une histoire de barrières, une histoire de barbelés devant toi, là, qui t'empêche d'avancer, c'est pas la peine. Mais c'est pas tout à fait ce que tu disais au début, donc je suis content. Attends. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me sens bien dans ma sexualité, mais je pourrais très bien m'entendre avec des homos. J'ai connu, il y en a un qui n'est plus de ce monde, j'ai connu un gars qui était homo, qui était un pote à mon frangin, et c'était un mec hyper sympa, hyper sympa. Mais on en parle comme une chose étrange, comme une créature. Il a toujours été. Mais moi, je m'en fous, à la limite, je dirais, d'avoir un ami homo, blanc, noir. Bah exactement. Moi, j'ai un être humain avec des valeurs et on partage des choses parce qu'il y a un feeling, parce qu'on s'entend, parce que c'est l'amitié. Après, on s'en tape. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Je ne suis pas là à vouloir parquer les gens tout de suite dans des étiquettes. Mais c'est vrai qu'on a ce réflexe. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que dans toutes les formes de racisme ou de phobie qu'il peut y avoir dans la société... De discrimination, on va dire, hein, d'une manière plus générale. De discrimination, on met des mots qui sont des euphémismes. Il suffit de prendre les aveugles, on les appelle les non-voyants. C'est l'inverse. Non-voyance, je crois que c'est le terme qui est le plus approprié. Aveugle, c'est un mot plus populaire. Voilà, c'est ça. On dit souvent non-voyant. C'est une figure de style, Jean-Baptiste, qui s'appelle l'euphémisme. C'est-à-dire, c'est de prendre quelque chose de choquant et de mettre un autre mot pour que ça passe plus doucement. Mais les blacks, les noirs, les nègres... C'est pas pareil, là. Tous les mots que tu es en train d'usiter ne sont pas la même... Raciste, Mais moi, j'aime mieux appeler quelqu'un comme ça par son prénom. Il a un prénom, c'est prénom. Oui, tout à fait. Oui. Moi, black encore, ça peut passer. Nègre, c'est plus péjoratif. C'est dans le dictionnaire le mot nègre. C'est plus péjoratif. Nègre, c'est. Moi, j'aime pas ce mot-là. C'est colonialiste. Oui, exactement. Je crois que Hergé avait eu une réflexion Tintin sur, au Congo. Sur le livre Tintin au Congo, il a eu un blâme. Je sais pas si c'est par l'académie française ou belge, Mais il était belge, Hergé. Hein. Parce que les dialogues entre Tintin et le petit noir qui est avec eux, qui leur sert de iguana et patati. Voilà, ouais, non, c'est vrai. Ça, et voilà, il y avait eu ça. Que le livre devait. Je sais pas si ça a été. Je suis au point de retirer le livre de la. Je pourrais pas dire, mais il y avait aussi dans les dialogues, hein, comme tu disais, dans les bulles de dialogue et tout ça, il y avait des mots qui étaient assez. Mais le livre, il n'était pas retiré de la circulation. Non, il existe toujours dans la collection, mais ce qu'il, je crois que lui l'avait refaçonné un petit peu. Bah, ça remonte à plusieurs dizaines d'années. Mais ça a toujours été. Il y a eu même, moi je vois mon papa pendant la guerre, il recevait une bande dessinée. Pourtant, c'était la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs étaient dans la ligne de mire. Il recevait un magazine, une bande dessinée qui s'appelait Biko. Mmh. Donc, je crois que Biko, ça veut dire juif. Non. Mais en fait, c'était. Non ? C'est les Arabes. C'est les Arabes. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, Biko, c'est plutôt. Ouais. Mais en fait, dans cette bande dessinée des années tourmentées de la guerre, Seconde Guerre mondiale, où on n'aimait pas les Juifs, ni les Arabes, ni les Gitans, ni les malades mentaux, ni. Il y avait beaucoup de discrimination, justement. Il y avait quand même des petits magazines comme ça, pour les petits, en fait, les enfants, qui évitaient de les laisser rentrer dans toutes ces pensées médiocres. Ouais. Je suis en train de penser en t'écoutant aussi, parce que j'ai un peu les idées qui fusent, mais ça rejoint un peu ce que tu disais, parce que tu donnais les noms, là, tu citais les noms, nègre, oui. Black, tout ça. Quand on connaît quelqu'un. Ou le mot non-voyant avec. Je parle le mot handicap, par exemple. Oui, handicapé. Mot qui est très utilisé. Moi, le premier, je peux l'utiliser. Et en réfléchissant, moi qui aime être positif, je trouve que c'est un mot qui n'est pas positif, non. Qui n'a pas une consonance positive. On pourrait dire différent. Une différence, parce que la différence, elle est partout, je dirais. Elle n'est pas forcément au niveau, effectivement, d'une personne qui pourrait, entre guillemets, qu'on connote avoir un handicap. Mais on a tous, à la limite, des différences. Et moi, j'ai aussi envie d'utiliser, enfin, moi, personnellement, j'ai envie d'utiliser le mot différence dans le monde de l'handicap aussi, puisqu'on regroupe le monde de l'handicap et tout ça. Après, tu vois, on est différent. Ouais. Parce que dans le terme handicap, mais qui est un terme qui est utilisé, qui est reconnu, ça, je ne le conteste pas, il y a toujours cette connotation de. Ça peut avoir quelque chose de négatif, presque de rabaissant un peu. Moi, je l'entends comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être avoir vos avis. Ils ont été trop utilisés, galvaudés, après, ils perdent de leur. C'est vrai aussi, ouais. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. On en a marre, quoi. Ouais. Moi, je pense que le mot handicap, on sait ce que c'est qu'un handicapé. C'est pour soi. Oui, mais qu'est-ce qu'un handicap ? Il faut déjà comprendre ce qu'est un handicap. Qui te bloque quelque part, qui te différencie des autres. Voilà. La différence. Comment donner un exemple précis ? Je sais pas. Parlons, admettons, dans une usine, un handicapé qui est handicapé, il va moins produire. Ils vont dire, mais c'est pas évident. Il va moins produire qu'un gars qui est normal. Parce qu'encore une fois, Ségolène, mais t'as pas tort. On est dans une. La société se met dans une norme. Mmh. Elle fonde une norme. Alors si t'es pas dans cette norme, on voit, ne serait-ce que pour tout ce qui est aménagement urbain, pour les handicapés. Moi, j'étais à Paris l'autre jour. Je voyais. Quand je vois ce qu'on appelle le mobilier urbain, c'est-à-dire les plots en fonte, bon, je parle pas des feux rouges, tout ça, les abribus, mais les plots en fonte, les parcs à vélo, les trottinettes maintenant, ben moi, je me mets à la place, enfin, je peux pas, mais j'imagine me mettre à la place d'une personne qui est en fauteuil roulant et qui veut se déplacer sur des trottoirs. Mais elle a une somme d'obstacles qui est faramineuse. Et ça peut être compliqué. Là, il donnait l'exemple autrefois des trottinettes. Eh ben, il lui manquait plus les terrasses de café, de bistrot maintenant qui se mettent sur le trottoir parce qu'il fait beau. Eh ben, les panneaux, par exemple, les panneaux de menu, les trottinettes à côté. Il lui manquait 5 cm pour passer avec son fauteuil roulant. Il était obligé d'ameuter tout le monde pour pouvoir passer. C'est quand même terrible de pas penser à ça. Quand on sait que c'est des ingénieurs qui aménagent tout ça, moi, tout ce qui est aménagement urbain, après la campagne, il y a la solidarité, il y a d'autres choses peut-être qui sont plus. Puis ils se font exploiter, les handicapés, dans leur travail. Alors ça, c'est encore autre chose que tu... Mais c'est aussi... Pécuniairement, ils se font... Ils ont le mini du mini à dur labeur et... Non, c'est vrai. Sueur. Félicie ? Mais tu penses à un film que j'ai vu il y a 3-4 jours qui montre bien cela. En fait, des fois, les handicapés aussi, ils pètent des plombs parce que... justement, ils sont tellement ignorés que quand quelqu'un s'intéresse vraiment à eux, que c'est sincère, ils rejettent la personne. Dans ce film, c'est Marion Cotillard qui joue le rôle d'une tresseuse d'orques, à Marineland, à Antibes, dans le sud de la France. Et elle va tomber sous. Enfin, il y a un homme qui est venu du nord chez sa sœur qui va tomber sous son charme. Et malheureusement, elle va avoir un accident en dressant un orque. Et elle perd ses deux jambes, en fait. Elle a des moignons, elle a jusqu'au genou. Elle se fait installer des prothèses. Un soir, elle va dans un bar. J'en arrive au fait. Et il y a un gars qui la drague. De fer et d'acier, s'appelle ce film. De rouille et d'os. De rouille et d'os, voilà, ouais, c'est ça. Et en fait, il est sympa avec elle, tout ça. Et il y a un moment, elle soulève son pantalon. Et il voit qu'elle a une prothèse. Oui, continue, Félicie. Il voit qu'elle a une prothèse et en fait, il lui dit, oh pardon, je ne savais pas. Elle le prend très mal. Mm-hmm. Elle dit, mais... Elle lui dit, tu ne savais pas quoi, connard. Donc, en fait, c'est une personne qui vient vers elle, mais il est tellement, ah pardon, je ne savais pas que tu étais handicapé. Il en fait tellement trop. Qu'elle, elle s'énerve, en fait. Mmh. Elle va nager avec lui dans les extraits. Ils nagent ensemble. Oui, mais pas avec le gars du bar. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. J'ai vu les extraits. Je veux dire, mais ça s'est réellement arrivé, ces accidents-là. Ils ont interdit... Ouais. Maintenant, les dauphins sont... Le dauphin en piscine pour faire des spectacles, c'est interdit, et l'orque aussi. C'est fini, ça. Ouais, moi, je voulais ajouter quelque chose d'une manière plus générale. À cause d'accidents, justement. Ouais, ce que j'aime pas dans le mot handicap, où je disais, il y a un côté, il y a une connotation négative. Moi, ça va vous parler, sans donner forcément des exemples précis. Eh bien, à partir du moment où une personne... Bon, il n'y a pas que le handicap physique, perdre un membre et tout ça. Il y a plein de formes de handicap aussi. Mais l'exemple, par exemple, de la perte d'un membre et tout ça, ben, les personnes auxquelles il manque un membre, elles développent d'autres sens aussi. Et souvent elles peuvent être même plus encore avoir de la dextérité, de la mobilité et attraper justement, des performances qu'elles n'auraient peut-être pas atteintes en ayant tous leurs membres. Bon, je donne un exemple. Il y a aussi des handicaps qui peuvent effectivement amoindrir aussi. Mais je voyais même, là on parle de c'est Vincent Lambert. C'est ça. Et tout ça, où il n'y avait plus que le clignement de yeux pour pouvoir s'exprimer, puisque tous les membres, tout le corps se paralysait. Mais même ça encore, ils pouvaient le développer. Alors là, après, là pour le coup, on est dans des maladies qui sont vraiment... où il y a on est dans une diminution telle des fonctions vitales, que là, évidemment, après, c'est encore un autre domaine. Mais il y a des tas de niveaux d'handicap, justement, où les personnes développent... compensent par d'autres sens, par d'autres techniques, d'autres moyens qui leur sont évidemment transmises. Des merdes, il faut être des merdes. Ouais, tout à fait, et qui peuvent réacquérir une autonomie extraordinaire. Mais même pour des problèmes, des désordres cérébraux, des problèmes de langage, personne qui a eu un accident, qui a été dans le coma, qui a perdu l'usage de l'écriture, de la parole, il peut, tout ça, ça se reconstruit, avec des techniques du travail, de la volonté. Après, c'est aussi une histoire de volonté, de personnalité aussi. Jean-Baptiste... Donc, j'aime pas ce terme d'handicap à la base, moi. Moi, je vois un exemple d'un monsieur qui habitait, quand j'étais gosse, qui habitait près de chez moi, il avait qu'un bras. Ah oui, il avait que l'avant-bras. Il n'avait pas l'avant-bras, l'avant-bras, c'est ça. C'est celui-là. Oui, pardon, oui. Donc, il avait à partir du coude, il n'y avait plus rien. Ouais, d'accord. Exact. Et il se roulait ses cigarettes avec une seule main, sans aucun problème. Voilà. Mmh. Moi, j'ai assisté à ça. Et vous savez, moi, j'ai un exemple un peu personnel, je ne sais pas si je peux en parler à la radio. Ça, c'est toi qui vois. mon cousin, je lui fais un coucou, il ne m'écoute pas, mais il va pas m'en vouloir. En fait, il est né avec une main où il n'y avait pas les doigts, ça fait des petites boules sur les doigts. Donc il manquait des phalanges, tu veux dire Tous les doigts. Il manque tous les doigts, c'est uniquement à la phalange que ça s'arrête. D'accord. Et en fait, il a complètement traversé cette épreuve. Il a eu un travail en dessin industriel. Il conduit. Enfin, il est, pour moi, mon cousin, il est normal. Il est... Donc, c'était sur les deux mains ou sur uniquement sur, les... sur une main. Une main. Et le pouce y compris, parce que le pouce se pince avec les autres doigts. Le pouce y compris. Donc il avait une main finalement un peu comme voilà, ça, comme un moignon. Comme un point. Comme un point. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'il a pu développer avec ce alors, point? Alors, tout. Et en fait, l'autre jour, j'ai fait une grosse gaffe. Il me dit, ah, tu fais de la chorale? Je lui dis, ben oui. Il me dit, moi aussi, j'ai appris le solfège à l'âge de 7 ans. Et je lui dis, ah, ben tu pourrais jouer un instrument? Et ça m'est complètement sorti de la tête qu'il ne pouvait pas avec sa main. Mais je le vois tellement pas handicapé, mon cousin, que c'est sorti complètement naturellement. Et je pense que le handicap aussi, un black ou comme on l'appelle, c'est pas un handicap qu'il a. Il a la peau noire. D'ailleurs, je voudrais préciser que les blacks n'ont pas la peau noire, forcément. Il y en a beaucoup qui ont la peau brune. Un handicapé, sa vie à 110%, 110 ou 120%. Attention qu'on mélange pas, parce que là on parle de black, d'ethnie, de couleur de peau, d'handicap, ça n'a rien à voir là, attention. Un handicapé, pour en revenir à l'handicapé, un handicapé, il développe jusqu'à 120 ou 130% par rapport aux autres, donc il a 30% au-dessus des autres. Pour obtenir en tout, pécuniairement, c'est un peu une revendication syndicale pour eux, la paye minimum, le strict minimum, et en plus, une fatigue maxi, c'est injuste, c'est injuste, je trouve. C'est dégueulasse. Non, mais moi, j'ai déjà vu des personnes qui n'avaient plus leur membre supérieur, que ce soit le bras ou même les mains, et qui développaient une dextérité incroyable avec les pieds. Le handisport, tu vois le handisport. Ouais. Comment il s'appelait celui qui a tué sa femme, là, le sud-africain non, comme ça, pourquoi je peux pas te dire. Il était champion du monde de 100 mètres. Il était proche des valides. Je sais plus comment il s'appelait. Des fois, il y a des personnes valides. Alors là, je suis négatif pour le coup, qui sont pas si valides que ça. Il lui manquait le mollet, quoi. Toi, il avait une prothèse sur une cuisse, et il a eu des ennuis avec la justice. Comment il s'appelait? Je savais son nom. Après, il y a des seuils de handicap, effectivement. Il a eu des ennuis avec la justice à cause de sa femme qui a été tuée. Il a été accusé. Mais c'est encore un autre débat. Ouais. Mais je veux dire, après, il y a des seuils de, entre guillemets, handicap qui deviennent tellement envahissants, compliqués à gérer, parce qu'ils impliquent plusieurs sens. Le mental, plusieurs affaiblissements, voilà. Même le mental, ça peut se travailler aussi. Mais à un moment donné, quand ça devient trop compliqué par certaines maladies ou par certains accidents aussi, c'est vrai que là, on est quand même dans une dépendance et dans une. Mais dans cette dépendance, justement, le matériel, la solidarité, des aides, ça peut être la famille, ça peut être des personnes spécialisées, parce qu'il faut aussi des personnes spécialisées, des aménagements. Alors après, ça a un coût. Donc là, il y a peut-être encore des choses à faire au niveau de la société, que ce soit dans les rues, dans un appartement, une maison, au niveau de l'accessibilité, tout ça. Je vois une ville comme Lourdes, par exemple, qui est une ville, entre guillemets, religieuse, dans les Hautes-Pyrénées, qui est une ville qui reçoit quand même, je dirais, en potentiel, beaucoup plus de personnes avec un handicap que dans d'autres endroits, d'autres villes de France. Je la trouve pas forcément, aujourd'hui, encore au top. Au niveau des aménagements de voiries, au niveau des accessibilités dans les hôtels, dans les boutiques, les magasins, le sanctuaire maintenant, il y a quand même de plus en plus effectivement d'aménagements. On peut pas non plus ternir le tableau, mais je trouve qu'il y a encore quand même des lacunes. Quand on connaît bien la ville, moi je fais partie d'un groupe sur Facebook un petit peu de Lourdes et tout ça parce que j'aime bien cet endroit-là. Ils nous montrent des trucs des fois, c'est aberrant quoi. C'est aberrant alors qu'il y a quand même beaucoup de fauteuils. Présents pendant toute la période des pèlerinages et puis les carrioles aussi des pèlerinages et tout ça, enfin ça s'appelle c'est par les chariots plutôt et ça a quand même une certaine volumétrie, une certaine place. Et c'est vrai qu'en plus, les rues de Lourdes, pour certaines, sont très étroites. Ouais. Et là, il y a des trottoirs. Alors là, il y a certaines rues qui ont été aménagées où il n'y a plus de trottoir. En fait, le trottoir, il est dessiné, il est peint pour délimiter le couloir. En fait, mais il n'y a plus la margelle parce que ça pouvait être une problématique. Mais pas toutes les rues, parce que ça a un coût, hein, ça aussi. Donc, là, je trouve qu'il y a encore effectivement beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, Lourdes. Oui, ça c'est encore un autre débat, on pourrait en parler aussi pendant des heures. C'est finance, ça va. Moi je voulais encore dire quelque chose par rapport à l'orientation sexuelle. On mélange aussi beaucoup l'homosexualité avec le monde gay. C'est deux choses différentes aussi. Hein. Le milieu gay, c'est milieu particulier. Dis-nous les gays. Ben, le milieu gay, c'est un milieu particulier où vraiment, derrière le côté gay, il y a toute une connotation philosophique, c'est-à-dire une façon de manger, une façon de vivre, une façon d'appréhender les rapports avec l'autre, de se retrouver. Il y a des quartiers, on pense à Paris avec les quartiers du Marais. Mais ils sont homo, par exemple. Les gays. Oui, mais tu peux être homo comme un homme et une femme en province, oui. Et vivre avec un homme si t'es un homme. Mais j'ai jamais je peux juste finir. Vivre avec un homme si t'es un homme en province, par exemple, même en ville, en étant tout à fait passe-partout, comme autant au même titre qu'un couple hétéro classique dans un pavillon. Et après t'as le milieu gay qui est un milieu bien défini avec des codes. Hein, où effectivement des personnes qui aiment le même sexe dans leur orientation, donc ça peut être homme ou femme, se retrouvent, et là il y a vraiment toute une philosophie de vie, façon de manger comme je disais, des codes, une manière de s'amuser, une manière d'appréhender les rapports entre les uns et les autres et tout ça, mais qui fait un peu comme une espèce de ghetto, une caste comme ça, et la Gay Pride en est un peu une vision, pas dans son entièreté mais quand même. Et le problème, c'est qu'après, les parents qui ont un enfant qui peut être qui ose l'affirmer, parce qu'on peut parler du mot oser, y a des parents, pas tous, qui peuvent faire l'amalgame en disant alors mon fils, finalement, il va être avec une plume rose dans le derrière, des piercings sur les tétons, et puis il va danser en body, voire plus, je reste soft. Non, c'est pas que ça non plus. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. C'est pas que le cul, quoi. Voilà. Jean-Baptiste. Non, c'est même pas une sorte de cul. C'est une histoire pas une histoire de sexe. L'homosexualité, puisqu'on faut donner ce terme-là, c'est pas forcément. Et la convivialité est. Mais c'est une orientation. Simplement, t'aimes un homme si t'es un homme, une femme si t'es une femme. Je suis d'accord. Tu peux être habillé en jean, passe partout dans la rue. Exact. C'est ça. On s'en fout. J'ai pas voulu dire. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ça s'arrête à un couple uniquement, et à ce qui prend après, c'est une vie comme les autres. Un travail. Complètement. C'est tout à fait poste, ça. Un poste qui peut exiger des fois des. Où des machos trouvent leur. Leur repère. Alors qu'un homosexuel peut très bien être trouvé aussi en tant qu'homosexuel. Il faut qu'ils puissent se faire une place, parce que des fois il y a des milieux qui sont très machistes. Non, mais c'est vrai aussi, tout à fait. Sont très machistes, c'est tout. Mais on n'est pas obligé de dire son orientation non plus. Je suis pas d'accord avec toi quand tu parles des parents. Bien sûr, c'est très difficile à vivre. J'avais une émission, les gamins, ils étaient complètement terrorisés à l'idée d'avouer à leurs parents, enfin de parler de leur sexualité. Alors sur quoi tu n'es pas d'accord? Je suis pas d'accord quand tu dis que les parents s'imaginent qu'ils vont avoir une plume dans les fesses, etc. Tu fais un raccourci. Ouais, ouais. Je parlais de la différence entre le milieu gay et l'homosexualité en général. Voilà, ben c'est ça. Voilà. Mais moi, j'ai deux cousines, les parents... À la Gay Pride, on est encore quand même, il y a des chariots, il y a quand même des fois, c'est encore une fois poussé dans quelque chose de très imagé, de très codé, on va utiliser le mot code, qui n'est pas forcément représentatif de l'homosexualité dans son entièreté, dans sa globalité. On est d'accord. Parents qui sont peut-être mal informés, tout simplement, parce que souvent la peur... Ouais, elle vient de la non-connaissance, voilà, donc ça on le sait pour tout domaine. Et il y a des parents, parce que moi j'en ai vu, qui font des amalgames, voilà. Après, ça ne veut pas dire que le milieu gay, c'est un milieu pourri, hein, attention, non. Pas du tout. Mais ça ne représente pas l'entièreté, la globalité de ce qu'on appelle l'homosexualité. Parce que moi j'ai deux cousines, féminine ou masculine. J'ai deux cousines qui sont homosexuelles et les parents l'ont très bien pris. Ah mais ça c'est encore un autre débat. Ça c'est une histoire de tolérance après, de dialogue, d'ouverture d'esprit. On parlait des valeurs, de l'éducation tout à l'heure. Il y a des parents qui sont plus ou moins ouverts, il y a des parents qui sont moins ouverts, mais ça peut faire des drames. Ouais, parce qu'il y a des associations, par exemple à Marseille, le refuge. Oui. Tu peux peut-être nous en parler demain. Le refuge accueille de jeunes gens qui ont des problèmes avec leur coming out. Donc il est à Marseille, cette association est à Marseille. Oui, donc des jeunes qui cherchent refuge pour se protéger de l'homophobie ou du regard. Ouais. Je crois que l'ancienne Miss France, Sonia Roland, elle a réalisé des reportages pour la télévision, à un moment donné, ou peut-être encore maintenant. Elle avait fait un reportage, une investigation dans cette association, où elle, justement, dans le reportage, je crois, durait 1 heure ou 1h30, je ne sais plus à quel format c'était, et elle rentrait dans cette association, et elle rencontrait des jeunes, justement, filles ou garçons, d'ailleurs, on s'en fout, qui racontaient leur parcours, justement. Et il y avait des fois, c'était vraiment, vraiment poignant. Poignant. Et moi, j'étais halluciné. Voilà. Bon, c'est comme ça. Toi qui aimais bien Sheila, Jean-Baptiste. Ah oui, bonne mère. Elle a rejeté son fils qui était homosexuel. Lui, il le disait, je suis pédé. J'écoutais une fois un reportage, il dit, je suis pédé. Ma mère m'a rejeté complètement à cause de ça. Et je n'en ai plus rien à foutre d'elle. Alors, c'est il avait ouvert un magasin au Hall, je crois, quand j'ai vu ça. C'était à la télé. Sous les Halles. Donc, dans les Halles souterraines. Pas tout à fait, mais je sais plus. Tu as super raison. Elle l'a rejeté complet. Alors, je trouve que c'est une conne d'attitude. L'histoire... Alors, c'est marrant que tu évoques ça, vraiment. Donc là, je vais un petit peu parler, pas de ma vie personnelle, mais il se trouve qu'il y a... Allez, il se prostituait même. En 2000, ouais, 98-2000, j'ai connu Ludovic Chancel. Ah, ok. Parce que j'aime tout ce qui est cuir, surtout en veste. Et j'aime Paris. Et j'aime Sheila, effectivement. J'aime la chanteuse Sheila, surtout la période disco, la période 70. Alors c'est marrant que tu évoques ça. Et je savais, il avait une boutique que sa mère d'ailleurs avait financée, plus ou moins. Il avait une boutique, enfin il tenait une boutique au Hall, qui n'était pas souterraine, qui était en surface, sur l'avant des Halles. Alors maintenant le forum a complètement été refait. Donc la rue existe encore, où il y a toute une criblée de boutiques de blousons de cuir, de bombers, enfin des trucs même qu'on ne trouve pas forcément dans nos provinces. Et assez cher d'ailleurs. Et là, il était là. C'est comme ça que je l'ai connu. Moi, je savais qu'il tenait cette boutique-là parce que j'avais vu un reportage. C'était au moment où il voulait se démarquer de sa mère. Il avait écrit un bouquin justement sur son parcours de drogue, où il était tombé dans l'enfer, dans la prostitution, où il a été avec des hommes, avec des femmes aussi. Il était plutôt bi. C'est lui-même qui le disait. Il l'avait écrit dans son livre. Sa maman, là, il s'était pas fâché avec sa maman uniquement. Bon, je fais une petite parenthèse par rapport à le fait qu'il avait des hommes. C'était pas ça le problème, parce que Sheila était ouverte d'esprit. C'était plus par rapport au fait qu'il avait un peu son linge sale en famille, qu'il réglait ses comptes avec sa mère à travers un bouquin, alors qu'il y avait un problème de communication entre elle et lui. Parce que ça, il me l'a expliqué. Moi, je vous le dis parce que je le sais de source sûre, puisque j'en ai parlé avec lui. Parce qu'il se trouve que je l'ai rencontré. Il était là, à ce moment-là, dans la boutique. Donc, on a essayé des blousons. J'en avais acheté un. Et je lui ai parlé de sa maman. Et j'avais une manière peut-être d'en parler où ça l'a touché, hein, parce qu'il aimait sa mère. Alors, il avait quoi, une trentaine d'années à l'époque? Il était né, je crois, en 75. Il était un peu plus jeune que moi. Il devait avoir même pas 30 ans. Et il en parle ouvertement. Il m'a invité à boire un verre et il m'a raconté sa life pendant 2 heures, en tête à tête. Donc, j'ai eu toute la vie, la version vraiment réelle de ce qu'il a voulu me dire et tout ça. Donc, il y a effectivement du vrai dans ce que tu dis. Mais là, pour le coup, c'était pas par rapport au fait de son orientation sexuelle, mais par rapport au fait de l'attitude qu'il a eue par rapport à sa maman et sa notoriété, que lui voulait exister en tant que tel. Parce qu'il faut savoir que Ludovic Chancel, son père, c'est Ringo. Ouais. Sheila a été mariée 2-3 ans, ça n'a pas duré longtemps. Un artiste qui a été très vite... Oui, bah, ça a été un chanteur à minette, on va dire, dans les années 70. Mais, attends, je veux dire, c'est un nom d'artiste. Oui, tout à fait, Ringo. Son nom, je sais pas. Il a un nom beaucoup plus commun, mais je me souviens plus. C'est un con, il est raciste. Ça sert à rien de dire ça, on n'en sait rien, on ne sait pas. Bon, moi, je le connais pas. Disait à l'époque. Mais il vit dans le sud et tout ça. Bon, voilà, après, sa carrière s'est plus ou moins un peu effondrée. Et effectivement, il ne voyait pas son père s'en foutait complètement. Et il a grandi avec une maman qui l'aimait, qui l'a couvé, qui l'a chéri, mais qui était une star. Donc il y avait aussi l'amour d'un public. Donc lui, comment se situer dans sa personnalité, comment exister? Et ça a été ça, toute sa complexité, et malheureusement, ça l'a tué, d'une certaine manière. Parce que c'était sa personnalité, c'est pas la faute à Sheila ou à d'autres personnes, c'est complexe, hein, une vie. Hein. Donc là, on n'est pas tout à fait dans le même... Mais c'est marrant que tu évoques ça, parce que je vois encore les images, les scènes. Je me suis rappelé de... J'ai eu la chance de le connaître, il était très sympa. C'était vraiment un mec bien. Ouais. Vraiment un mec bien. Il s'est suicidé, non ? Bon, on va pas... maintenant, c'est un peu compliqué, l'histoire. Moi, après, je l'ai pas fréquenté après. Hein. Moi, ouais. Je l'ai connu comme ça. Mais il y a 2 ans qu'il est mort. Ça a été un drame, hein, de toute façon. 2 ans ? Ouais, il y a déjà au moins 2 ans, hein, je pense. C'était en 2017, hein, par là. Voilà, on va peut-être se faire une petite pause musicale. Alors, on avait prévu... c'était par rapport à Félicie. Donc, on va ouvrir le bal par la musique. Non, peut-être que tu as autre chose. Elton John ? Parce que moi, je voulais faire une chronique sur Elton John, mais on est parti sur un autre débat. Et je parlerai de ce film plus tard. On aura d'autres boomerangs pour en parler. Donc, on va s'écouter Elton John. Le titre, Pascal ? Ben, Rocketman. Eh ben voilà, super, c'est voilà. Tout trouvé. Faut y aller. She packed my bags last night, free flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. Timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. Fact is cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. Be a long, long time. Voilà, Elton John, Rocketman, oui, alors parler, on en parlait un peu en antenne entre amis. Moi, personnellement, voilà, je suis allé voir le film Rocketman qui est sorti le 29 mai, qui raconte, on va dire, les 30-35 premières années de la vie d'Elton John. Et je dois dire que j'ai été, alors c'est mon avis personnel encore une fois, vous ferez votre propre avis, mais je vous encourage, honnêtement, je vous encourage vraiment à aller le voir si vous avez envie vraiment de découvrir un personnage du rock, de la pop musique, du rock aussi, parce que c'est vraiment un film qui est très bien monté, qui est très long, enfin il est assez long, hein, 2h25, donc il a un format assez long, mais moi j'ai pas vu les 2h30 passer, j'y étais avec des c'est amis. C'est un documentaire et... ou c'est Elton John, c'est pas quelqu'un qui joue son rôle ou... Non, c'est quelqu'un qui joue son rôle. Ah oui, donc c'est un acteur qui a été casté. C'est un biopic. Je me souviens plus. Alors, je vous en parlerai plus longuement dans un prochain Boomerang, justement, parce que peut-être que vous, entre vous, Félicie, Dominique, c'est Gonzalo, un Pascal, film, faut pas raconter. Voilà, vous serez allé le voir. J'ai pas envie de le raconter. Ouais, ce que je voudrais simplement dire, c'est que vraiment les moyens ont été mis au niveau de la mise en scène. C'est très musical, évidemment. Donc ça, je trouve ça très judicieux. Ouais. Vraiment. Où on parcourt vraiment tous les grands tubes d'Elton John. On part de son enfance, hein, jusque vers l'âge de 35 ans, où vraiment il est vraiment une star mondiale, et tout ça. Et moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Alors après, c'est mon émotionnel, c'est ma personnalité. Je ne parle pas pour les autres, mais c'est vraiment un film, moi, que j'ai envie de défendre. J'en ai même parlé sur les réseaux sociaux pour vous dire, hein, parce que je ne mets pas grand-chose en général. Mais là, j'ai dit, tiens, voilà. Et c'est vrai que c'est un film vraiment que je propose d'aller voir à ceux qui ont envie de découvrir sa vie et pourquoi il est devenu, justement, c'est ça qui est intéressant, pourquoi il est devenu cette star un peu excentrique. Il a un côté excentrique dans ses tenues, sa façon d'être. Et bien justement, moi j'ai vraiment découvert plein de choses dans ce film-là, mais je ne veux pas vous en dire plus. Voilà. Allez, on reste dans la musique avec, pour la dernière ligne droite, il nous reste à peu près 20 minutes, avec Félicie, qui va nous terminer, alors peut-être rappeler à nos auditeurs et auditrices. Oui, alors voilà. Attends, finis juste, ouais. Parce que pour les resituer, il y a déjà quelques semaines, hein, c'était pas il y a 15 jours, tu avais commencé une série de chroniques sur un cycle, t'appelais ça un triptyque, c'était en trois phases, sur l'histoire du rock alternatif à travers des groupes que tu avais choisis. Voilà. Aujourd'hui, tu vas nous continuer, ou peut-être clore ce triptyque sur le rock alternatif avec le groupe, en exemple, des Breeders. Voilà, exactement. Alors, on t'écoute. Alors, la première chose à laquelle je pense, ce qui est le plus important, je vous en parlerai plus après, il est super important de savoir que la chanteuse des Breeders a quitté le groupe Les Pixies. C'est-à-dire que moi, j'avais fait trois grands groupes des années 90, si vous vous souvenez. Il y avait Dinosaur Junior. Il y avait les Pixies et les Breeders. Et Kim Deal faisait partie du groupe Les Pixies. Seulement, elle a quitté les Pixies, elle se sentait brimée par Black Francis, le chanteur, qui a produit des albums, en solo après. Mais il y a eu un moment où elle s'est trouvée vraiment pas libre. Et elle a monté un groupe, en fait, parallèle. Et elles ont eu une belle carrière musicale. Donc, on parle toujours de rock alternatif américain. Donc, c'est la suite et fin des trois géants. Alors, voilà. Peut-être nous rappeler très rapidement ce qu'est le rock alternatif, pour ceux qui n'auraient pas écouté les autres. Le rock alternatif, c'est quand on a des refrains qui sont très, très péchus, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de rythme, et quand on a des couplets beaucoup plus mélodiques. Voilà. Ça, c'est le rock alternatif. Enfin, on peut le définir comme ça. Donc, il y a une alternance de la rythmique au niveau mélodie et même au niveau parole. Récif, il peut commencer doucement et finir très violent. C'est la différence, exactement. Oui. Alors qu'alternatif, on passe de quelque chose de doux à quelque chose de violent et on repasse quelque chose de doux et on repasse quelque chose de violent. Voilà. Evanescence, ils font du rock progressif. Oui. Oui, ils ont un petit peu été à cheval sur les deux selon certaines chansons, mais sont plus à prédominance progressive. D'accord. On t'écoute. Je vais vous faire un petit speech quand même sur le groupe. Il est originaire de Dayton dans l'Ohio. Il est formé donc par Kim Deal, alors bassiste des Pixies, et Tania Donnelly, alors guitariste des Traveling Muse, deux des groupes les plus influents de la scène indépendante bostonienne de la fin des années 90. C'est-à-dire que les Pixies et Flouncing News, c'est vraiment les... Bostoniennes, ça ne veut pas dire qu'ils vont envahir l'Angleterre avec non, leur... Non. Enfin là, elles sont... Il en faut plus pour convaincre. Il y en a une qui est dans un groupe et l'autre est dans un groupe, et il se trouve que ce sont deux gros groupes, mais béton, ben, quoi. Je sais pas, moi, je sont pas. Installés. Je ne connais pas. Bon, les Pixies, on en avait parlé la dernière fois. Je ne me rappelle plus. Tu ne te rappelles plus. Mais bah, de toute façon, si vous ne vous rappelez plus, les auditeurs, c'est pareil. Allez voir les Pixies sur YouTube. J'ai fait, je crois, pour Dinosaur. Dinosaur Junior, ouais. Oui. Voilà, donc elles quittent leur groupe pour faire 5 albums. Last Splash, All Nerveux, Pod, Mountain Battles et Talk TK. Donc, comment Kim Deal des Pixies et Tania des Flouncing Muse sentent leur créativité bridée par des leaders de leurs formations respectives, donc Black Francis et Christine Hersh. Christine Hersh qui fera des albums aussi en solo. Elle crée donc The Breeders comme un exutoire au début. Le groupe s'appelait Boston Girls Supergroup. Leur premier album sort en 90. Ce qui n'était qu'au départ qu'un projet parallèle de deux artistes impliqués par ailleurs dans des formations d'envergure, donc comme je dis les Pixies et Flouncing Muse, se transforme peu à peu en vrai groupe qui connaîtra une longue carrière musicale. Sur le titre Safari qui sort en 92, Kim Deal a quitté les Pixies et a engagé sa sœur jumelle pour jouer de la guitare au sein des Breeders. Alors c'est aussi, on sent une équipe féminine. Et ça, il y a quelque chose de très, très, très joli là-dedans, parce que toutes leurs chansons, elles sont imprégnées de féminité. Il y a une certaine douceur qui se dégage, malgré le côté pêche et rythmique. De divers mouvements se font, puis sort l'album Last Splash, qui contient Cannonball, qui connaîtra un succès international. Alors si Cannonball, vous ne le connaissez pas, je pense que vous le reconnaîtrez. Le groupe remplit les salles et assure les premières parties de Nirvana. Alors Nirvana qui restera quand même un groupe grunge et les Breeders alternatifs. Donc c'est un groupe de filles des années 90 à la mode de la rue, qui contrarie la mode poupée Barbie des mannequins. Elles ne sont pas du tout habillées pareil, elles sont complètement plus naturelles. Voire un petit peu crado, mais même pas, enfin c'est pas grunge, non. C'est alternatif. Justement, c'est pas encore, on n'est pas dans la phase. Elles font la vidange d'une bagnole avant de passer sur scène. Je sais pas, non, mais elles ont un côté propre, mais en même temps plus naturel, beaucoup plus naturel. Je disais, Jean-Baptiste, que ce groupe de filles, il contrarie la mode poupée Barbie des mannequins, bref. C'est sans compter sur le magnifique et emportant Divine Hammer, un bijou musical et qui vous donne de l'énergie pour vous détendre ou vous réveiller, à se mettre en boucle tellement ce morceau est beau. Juste un regret qu'il ne soit pas plus long. Alors peut-être, pardon, oui, je te laisse finir ta phrase parce que j'avais une proposition justement qui serait sympa parce qu'il nous reste à peu près 10-12 minutes. Ça serait qu'on écoute The Breeders avec Cannonball que tu as choisi pour justement qu'on se rende compte déjà avec les amis qui nous écoutent nous-mêmes ce que ça peut donner comme musique, en tout cas comme type de rock alternatif. Et puis on continue ta chronique après, on va sur la conclusion. Ok. Hein, à tout de suite. Thank you. the last splash. Et voilà, ça se termine cette coupure nette, The Breeders' Cannonball. Ouais, alors là, on se rend vraiment compte du rock alternatif. C'est un très bon exemple musical de ce qu'elles font, justement, par rapport à ce type, à ce courant rock. Oui. On te continue à t'écouter sur cette voix-là. Oui, j'en ai plus pour longtemps, mais il y a des choses à dire encore. C'est que cette chanson qu'on vient d'écouter a été leur plus grand succès. Et il a fait un succès international. Il a vraiment cartonné. Et on ne peut décidément pas oublier le magnifique Divine Hammer, où elle chante « I'm just looking for a divine hammer », c'est-à-dire « je cherche seulement un marteau divin ». Alors après... Alors c'est marrant ce que tu dis, je vais faire une petite parenthèse, parce que moi dans le film d'Elton John, Rocketman, j'ai eu la même sensation que là. Ils nous traduisent les paroles en sous-titres en français, parce qu'on les entend en anglais, et c'est un peu décevant des fois. Quand on connaît des tubes ou même des chansons de rock et tout ça, quand on a les traductions en français... Des fois, c'est pas... L'anglais, quand il est traduit en français, c'est un peu léger. C'est un peu léger, ça ne redonne pas le même charme qu'avec les mots anglais, les phrases, les constructions de phrases anglaises. Les Beatles, c'était assez simple. Ouais, tout à fait. Mais on avait parlé des Pixies, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils étaient passionnés d'ufologie. Vas-y, Secundino. Non, finis ta phrase, Félicie. Oui, les Pixies, ils faisaient beaucoup de paroles sur l'ufologie, les extraterrestres, contre la pédophilie aussi. Ouais. Donc, c'était des textes qui devaient vraiment être intéressants. Mais c'est vrai que si on trouve Garbage, Stupid Girl, les paroles ne doivent pas être faramineuses. Après, je suis... Garbage, ça vit pas loin, hein, c'est des poubelles. Garbage, ça veut dire poubelle. Oui, alors donc, Breeders, il y a une harmonique délicieuse et un distordu à la fois qui est prenant, ça emporte. Et ma préférence à moi, voilà, j'en viens là, parce que, en plus, le groupe, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, Breeders, c'est le nom que les homosexuels aux États-Unis donnent aux hétéros. Donc, c'est intéressant, puisqu'on a eu un grand débat sur tout ça. Voilà, j'ai noté c'est, ça. C'est sympa de le préciser. Ouais. Mmh. Et bon, faut dire que ces filles, elles n'étaient pas glamour. Hein. Elles n'étaient pas assez glamour que... Pourquoi t'en parles au passé ? Parce que le groupe n'existe plus vraiment sa conception originelle. Franchement, je sais pas. D'accord. Parce que tu disais 90, donc ça remonte à 93, l'origine du groupe, donc ouais, presque 30 ans. Quoi. Ouais, ouais. Et en fait, c'était des filles qui étaient. Alors j'aime bien Divine Hammer parce qu'ils font bang bang. Enfin, c'est un peu. C'est plus mélodique, plus dansant, plus rêveur et plus doux. Divine Hammer, donc, est plus mélodique, dansant, rêveur et doux que Cannonball. Après, je ne sais pas si on aura le temps de l'écouter, mais franchement, ma préférence, impossible de départager Cannonball de Divine Hammer. Alors justement, j'aimerais avoir l'avis de Dominique en premier. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, là ? Ouais, j'aime bien, je connais ça un peu. Ouais. Je connaissais la chanson sans connaître le nom du groupe. Ouais. Mmh. T'aimes bien ce type de rock ? Oui, à une époque, enfin, dans les années 90, oui, j'écoutais assez ça, les Pixies. Mais maintenant, je sais pas, je suis un peu flemmard, j'écoute Lady Gaga. Enfin, les trucs qu'on entend tout le temps. C'est pas pareil. Enfin, je sais pas, je suis plus aussi branchée qu'à une époque. Moi, j'ai plus assez de pêche. Et t'écoutes pas que Lady Gaga quand même ? Non. Lady Gaga, qui chantait de la techno, comment dire, elle était plus d'amour dans le film qu'elle a joué avec. Comment il s'appelle déjà ? Bradley Cooper. Bradley Cooper, oui. Voilà, j'ai trouvé avec l'amour. Oui, je pouvais dire aussi que, en fait, le dernier album qu'ils ont sorti, c'était en 2008. Oui, exact, j'ai entendu ça. Ah, ouais, donc ça remonte à une bonne dizaine d'années. Ouais, je sais pas. C'était bien de le préciser. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu des groupes dans ces années 90 qui ont été vraiment créatifs. Ensuite, je pense à Radiohead et Muse. Mmh. Je sais pas quel. Ça, je suis moins connaisseuse sur le mouvement, le courant, je ne sais pas quelle forme de rock c'était. Eh bien, ça sera peut-être justement l'objet d'une future chronique. Oui, pourquoi pas. Dans un prochain Boomerang. D'accord. Où tu nous feras découvrir ces groupes-là aussi, qui ont des noms quand même relativement connus quand on connaît un peu le rock. Je pense que nos auditeurs auront reconnu Cannonball quand même. Voilà, et ben en tout cas, ça a été une émission riche en débats, en idées, en échanges d'opinions. Et j'espère que vous qui êtes derrière votre poste de radio, votre transistor, allez, pour parler un peu à l'ancienne, ça vous aura en tout cas apporté des éléments, sinon distrait. En tout cas, merci à ceux et celles qui nous suivent régulièrement, qui sont fidèles à l'émission Boomerang. Ça nous fait toujours plaisir, en tout cas, de se retrouver, de vous la faire partager. Donc, prochain rendez-vous dans 15 jours, en direct à 17h30, mercredi dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien. Je remercie Félicie, Dominique, Segundino, Pascal, et puis... Merci à toi, Jean-Baptiste. Merci à toi, Jean-Baptiste. Pour éviter de me remercier. À bientôt. Ciao. À bientôt. San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustan.